sont là. Libre continent sans rien. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas. Faut du cœur, faut du courage. Mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi. Alors est à portée.